La cigarette. Oui, ce monde est bien plat. Quant à l'autre, sornette, moi, je vais résigner, sans espoir, à mon sort. Et pour tuer le temps, en attendant la mort, je fume au nez des dieux de fines cigarettes. Allez, vivants, luttez, pauvres futurs squelettes. Moi, le méandre bleu qui vers le ciel se tord, me plonge en une extase infinie et m'endort comme au parfum mourant de mille cassolettes. Et j'entre au paradis, fleuri de rêves clairs, où l'on voit se mêler en valse fantastique des éléphants en rut à des cœurs de moustiques. Et puis, quand je m'éveille en songeant à mes vers, je contemple, le cœur plein d'une douce joie, mon cher pouce rôti comme une cuisse d'oie.